sango partout, on a vacances. Fabrice magasin mon aîné, ekende sango partout, on a vacances. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice, bon anniversaire, Fabrice. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice, bon anniversaire, Fabrice. Tambola na Europe mo bibae, so ki en komi na ketien pousse, tout na magasin mon aîné, y'a Fabrice. A Fungoli, Sikana, XL, na rue Dublin, numéro 19, Pembenino, Yakala. So ki en komi na ketia Fabrice, tout na papa Engels, na petit Franco, Bakola Kisayo, Baba Kosen, Sikai. Bakosayote, ma, Baba Kose, Bele, et ton dit Fabrice. Fabrice magasin mon aîné, ekende sango partout, bon à vacances. Fabrice magasin mon aîné, ekende sango partout, bon à vacances. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice, bon anniversaire, Fabrice. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice, bon anniversaire, Fabrice. Fabrice a mi pesi na bazai wama, alo bimbongo akomi na yango ma, e wuti na bazai wa, grâce à bazai wa, akomi lelo patron, Fabrice a boite. Koluka pato se pe mon sousou tema, kende na Fabrice, ako sone la yo. Et l'amba qui t'encote, on a tapane du maillot. Ah, Fabrice magasin mon aîné, ma. Fabrice magasin mon aîné, et kende sango partout, on a vacances. Fabrice magasin mon aîné, et kende sango partout, on a vacances. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice. Fabrice, 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice, bon anniversaire, Fabrice. Petit Fabrice, on y'a Zala qui n'est l'eau qu'on t'aima. L'élo Azali est si kaya va patron yon sol. Nanya Bungi Fabrice ma, Tangwa Bandaki, Azala qui moque. Lelo monton yon sa kamwe yema, Fabrice a boite alobi ma, Mbongo na ye outi na bazairwa ma, Soki bazairwa te ma, Fabrice lelo akomi motote, Azali kokumi sa bazairwa ma. Fabrice magasin mon aîné, ekende sango partout, on a vacances. Fabrice magasin mon aîné, ekende sango partout, on a vacances. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice, bon anniversaire, Fabrice. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice, bon anniversaire, Fabrice. Soki okoti na keti ya Fabrice ma, Luka directeur Angels ma, Tuna Lefteri ma, Tuna Petit Franco ma, Balakisa yo, Baba Conscient Sikai. Fabrice a sali estile ya ba jeune ma, Bona Baba Kos, Balataka Yangoy. Fabrice a kende sangoma. Fabrice magasin mon aîné, et kende sango partout, on a vacances. Fabrice magasin mon aîné, et kende sango partout Bona Bakos 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice Bon anniversaire, Fabrice 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice Bon anniversaire, Fabrice Mon salagnon, so Fabrice, a Salina 10 ans Yango wana alakisi Alobi grasi ya bazaiwa Yango wana salili susu magazin monene ya Sipia Fabrice a komina ba grand moyen Ba grand moyen Ba grand moyen Fabrice a zali koteka Chemise, chaussures, ceinture A salili su estili ya ba jeune bonabakos A zali koteka safari De la tête aux pieds Vous rentrez chez Fabrice Vous ressortez habillé et élégant. Fabrice, Fabrice, magasin Moussou et Zalité. Oh Fabrice, Abakos. Fabrice, magasin mon aîné. Dégainé sa mot partout. Bon Abakos. Fabrice, magasin mon aîné. Dégainé sa mot partout. Bon Abakos. 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice Bon anniversaire, Fabrice 10 ans, 10 ans, y'a Fabrice Bon anniversaire, Fabrice Banana Bakulutu, ma Ambassadeur, y'en somme Pas fonctionnaire, y'en somme Ba commerçant nyon soma Ba sali nyon sona mokili ma Soki olingi abakos ma Koluke pay mo susu tema Kende na Fabrice Mboya ah. Fabrice magasin mon aîné E kende sango partout On abakos Fabrice magasin mon aîné Et kende sango partout Bon Abakos 10 ans, 10 ans y'a Fabrice Bon anniversaire Fabrice 10 ans, 10 ans y'a Fabrice Bon anniversaire Fabrice Papa Engels ma La Kisanga Abakos, ma Petit Franco, ma La Kisanga Abakos, ma Lefteri, ma La Kisanga Abakos Epay Ezali Na Meka Mezu Na Tala Soki Nabongi Na Latana Bimay Moi Sia Liganga Balami Palé, moi si embrasse n'a bon à la vie à Bakos, à Bakos et à Fabrice, maman mia est.